et qui lui a dit dans les yeux: chérie, je n'ai jamais utilisé un ordinateur. Là, le mec, il vient d'être nommé, il est obligé de mentir sinon il rentre plus. Il est obligé de tenir le mensonge. Mais monsieur, vous êtes le ministre, écoutez, je n'ai jamais. Elle est où la caméra? Jamais utilisé un ordinateur. Bonjour, chérie. Et de ma vie, je ne sais même pas comment on va chez YouPorn. Ça n'est pas moi. Et enfin, les super champions du monde, l'association PETA, vous savez, qui milite pour les animaux. Oui. Et qui lutte contre pour le droit des animaux, et qui a demandé avec humour, hein, quand même, je tiens à le dire, au maire de Caen de changer la rue au fromage pour la rue au fromage. Et ils ont aussi demandé à Strasbourg de remplacer la place de la grande boucherie par la place du potager. C'est une vanne? Ben oui, c'est une vanne. Oui, non, mais c'est une vanne, mais ça, ils l'ont quand même fait. Ouais, okay. Oh, comme c'est de l'humour, j'ai envie de chanter ma réponse. Laisse-moi kiffer la sauce avec mon steak. J'aime bien le beurre et le fromage de tête. Voilà, ça c'est marrant, on peut le faire. Ah, pardon, j'ai reçu un SMS. Ah oui, faut que je fasse la version vegan. Ah, laisse-moi kiffer mon steak de soja. J'aime le préparer avec du quinoa. J'ai de faire les deux versions maintenant, c'est obligatoire. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Hubert et Noël, si vous êtes parisien, que vous habitez Paris, vous allez être content pendant les fêtes de Noël, vous allez vous déplacer dans des Uber transformés en jouets. Il y a une voiture, il y a des voitures pixelisées, c'est des cool. Voitures pâte à modeler. Je sais pas si vous avez vu la photo, mais je les trouve fantastiques, génial. Les gens de chez Uber. Parce que donc, avant, il y avait de l'eau, avant, il y avait des recharges de téléphone, avant, il y avait des bonbons, avant, on t'ouvrait la porte, avant, c'était propre. Avant, il y avait un service. Avant, le mec ne couchait pas son siège et tu pouvais mettre tes genoux. C'est avant, vrai. Le mec n'écoutait pas la musique qu'il a envie d'écouter. Skyrock à fond! Avant, tu pouvais faire globalement ce que c'était plutôt cool, les services Uber. Avant, dans la voiture, ça sentait pas la clope. Voilà. Et bien maintenant, ils ont trouvé le truc génial. Ils te prennent des vieilles bagnoles de merde des années 70 qui sont peintes en jaune fluo et leur cam c'est de dire ce sont des jouets pour Noël. Non, ce sont des bagnoles de merde. Même au Pakistan, les mecs ils montent plus dedans. C'est vrai. Tu vois, c'est la première fois qu'il y a des voitures qui font Europe-Pakistan et que le Pakistan renvoie en disant trop vieille. No security, no secure. Go back to Paris. Et Uber les reprend à Paris et font monter les gens dedans. Ils disent voiture de Noël. mais prenez-moi pour des cons. Remettez les bonbons déjà chez Hubert, amenez-moi ma bouffe à l'heure et on en parlera plus tard. C'est pas possible. C'est moche. On a une info aussi sur les gilets jaunes, je vous l'avais dit, je vous le ferai tout de suite. Oui. Alors, manif ou pas manif? Manif. Vous pensez qu'il va y avoir quoi, vous, Jeff? Manif, je pense comme la semaine dernière. Ouais. Ça a bougé, mais pas beaucoup de casse. D'accord, très bien. Puis Jeff, Nico. Je pense manif aussi. Je pense que ça va pas les arrêter. Notre spécialiste en chiffres. Oui, tout à fait. LFM TV, c'est comme BFM, c'est comme le L pour loin. C'est-à-dire, il est loin des manifs, mais il filme de loin. Alors. Je m'adresse à BFM Télé et à CNews si vous voulez des images de loin, parce que vous avez trop d'images de trop près. Si vous voulez un peu d'images qui vous éloignent du conflit, Bichette, voilà. Il a un stock. Les alentours. Et des camions des CRS garés à 2 km, des passes. Il a tout. Je vais filmer BFM, ouais, maintenant. Et donc, tu penses quoi, toi? Je pense qu'il va y avoir une manif. Mais à peu près, c'est vrai, comme la semaine dernière, sans trop de casse et avec beaucoup de CRS. Est-ce que tu vas y aller? Non, je vais pas y aller. Alors, moi, j'ai entendu dire qu'il y aurait des manifs silencieuses. Ah, je vous avais pas entendu ça? Si, il y aurait des minutes moi. De silence et oui. Des manifs silencieuses, oui. En hommage à ce qui s'est passé en à Strasbourg. Respect, oui. Qu'est-ce qu'une manif silencieuse? Oui, c'est bizarre. Alors, nous avons essayé, nous, de faire un travail d'investigation et de nous projeter. Donc, une manif silencieuse, ça devrait donner ça. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Là, ils sont 6000. Oui. Oh la vache. Mais encore, c'est trop fort, là. Mais même les CRS vont s'adapter. Dispersez-vous. Viens, sors du magasin. Ça change tout. Viens, sors du magasin. Le mec, il va sortir avec le truc du monde dans les mains. Il dit, excuse-moi, autant pour moi. Je le repose dans les rayons. Ouais, c'était dans les rayons L pour homme. Arrêtez de me casser. Et même comme Johnson avec son gilet jaune, tout va changer. Hein. Gilet jaune. Restez avec nous dans un instant, nous reviendrons. Il y aura 10 000 euros à gagner, 7, 10, 12 par SMS. Big Flo et Oli seront là demain soir. J'avais promis de faire le jingle de Big Flo et Oli à 18h. Je vous ferai écouter en exclu le jingle. Vous avez confiance en moi? Oui. Tout dans la sobriété. 17h, 20h, c'est Coé sur Énergie. Puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera, y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía. Está mi respirar, yeah. Contigo veo todo como en espiral, yeah. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar, ah. Tus ojos me concentran como Adderall, contigo me sube el overall, yeah. Te toco y hasta el mundo deja de ir, yeah. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar, yeah. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas, que dejen de tirarte, brr, que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo decía. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu cobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu cobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Quiero esta noche entera, pa' recortar los tiempos en la escalera. Dile que yo no soy

17h-20h, c'est le Best of de Koé sur Énergie. Zap télé de Miko, il y avait quoi hier à ne pas rater? Alors sur M6, un spécial au tableau pour Jean-Michel Blanquer, l'actuel ministre de l'Éducation nationale. Tout est bon. C'est pas Blanquette, hein, pour ceux qui nous écoutent. Non, c'est Blanquer. Jeff, je te le dis, c'est Blanquet. Je salivais déjà. Et on commence avec ce petit exercice de conjugaison. Alors, mets chacun des groupes verbaux aux première et troisième personnes du singulier, du passé simple, puis de l'imparfait. Courir très vite. Je courus très vite. Il ou elle courra très vite. Combattre un monstre. Je combattis. Il ou elle combattit. Alors, vous avez fait deux fautes. J'ai fait deux fautes. Alors, lesquelles? Je courus. Il y a un S à la fin. D'accord. Et il, elle courra. C'est pas courra, mais c'est il courut. UT. Oui. Oui, bien sûr. Vous avez entendu ce malaise du mec qui vérifie et qui se dit, dans sa tête, il se dit, c'est filmé là? C'est filmé là. Non, mais je savais. Effectivement, monsieur le ministre, je courus, il courra. Vous devez vous douter qu'il y a un souci quand même. Si ça fait U au début, ça fait pas un temps après. C'est pas possible. Je dis ça, je dis rien. On continue. Alors, on enchaîne avec la petite question qui déstabilise. C'est vrai qu'Emmanuel Macron s'est marié avec sa prof et vous avec votre élève? Alors là encore, c'est une question de vie privée. Ma femme a été mon élève, mais ça s'est pas passé quand elle était mon étudiante. Non. C'est plus des rames, c'est un moteur qu'il lui faut. Vous avez vu ce petit. Et à l'occasion, c'est la même qui lui a fait remarquer pour les fautes d'orthographe. C'est, là, tu sens la gêne. Au fait, tu t'es marié avec ton élève? Ouais, mais non, t'as fait une faute là. Je cours. Tu sens que dans sa tête, il a qu'une envie de dire, c'est tu vas fermer ta gueule. T'arrêtes avec tes questions, tu pourris l'ambiance là. Alors, une dernière. Alors pour finir, le ministre a dû faire une démonstration de mix avec platine et tout le matos. Attention les oreilles. Parce que soi-disant, il est DJ. Mais alors, soi-disant, il était DJ quand il était jeune. Une rumeur, c'est comme le Daus. Alors maintenant, on va vous faire mixer comme un DJ. Ah, ça marche. Attention, mix. Attention. Allez. Voilà, Jean-Michel Guetta. Allez, c'est bon. C'est fantastique. Ah, monsieur le ministre, il paraît que vous avez déjà mixé à Ibiza. On dira ça. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. On a gardé le meilleur de Koé. Ça a été compliqué, mais on a trouvé. Koé 17h-20h, c'est le best-of de Koé sur Énergie. Voici le top 10 des fantasmes féminins. Alors, en témoin masqué. Mets les mains sur les yeux, tu seras masqué. Okay. Bonsoir Stouff. Bonsoir. Bonsoir Stouff, si vous aviez un fantasme que l'on peut dire à 17h26, un fantasme féminin, ce serait lequel? À part dans mon lit. Non, j'ai pas dit le lieu, j'ai dit un fantasme. Le lieu, c'est tout à l'heure. Avec plusieurs personnes. D'accord. Hein? Mais combien? Elle est toute rouge. Elle est toute rouge. Une tomate. C'est vrai qu'elle vient de dire un truc, elle est rouge comme tout. Tu l'as pas fait, tu l'as juste dit. Hein. Oui, c'est la lumière en fait. Voici le classement. À 5%, mesdames, vous voulez pratiquer des jeux érotiques avec domination ou soumission. À 19%, avoir une expérience homosexuelle. À 24%, recevoir une fessée. Non. Voilà, oh bah écoutez. À 25%, faire l'amour ligoté ou menotté. Oh, ça, moi, je... Mais tu es une femme? Non. Merci. À 28%, faire l'amour avec un inconnu. Pas, pas les humoristes. Ouais, ouais. Hein. Ah, Didier Bourdon, bien là. 32%, faire l'amour dans un lieu public. C'est pas Passepartout non plus. Non. Un inconnu. Non, il est très connu. C'est un nain très connu, Passepartout. Je disais 32% faire l'amour dans un lieu public, 33% faire l'amour en étant dominé. Ça, c'est un fantasme féminin. 33% vous l'êtes dominé. Beaucoup. Voilà. Moi, je ne saurais pas. Non, je peux pas. Moi, je vais être très honnête. Je ne saurais pas être dominateur. Allez, vas-y. C'est moi. Crie mon nom. Say my name. Insulte-moi. 34%. 34% faire l'amour en ayant les yeux bandés. 36% on arrive dans les deux derniers. Griffer ou mordre son partenaire pendant l'amour. Oh là là. Ah non, moi, je la fais piquer. Et ça, la rage. Ah bah non. 43% être prise, donc le numéro 1 des fantasmes féminins, être prise par surprise dans son sommeil. Oh là. Alors là. Moi, je gueule. Ah, moi aussi. C'est même ouf, sans ça, tu gueules. Je ne comprends pas. Pourquoi quand moi je propose un de ces trucs-là, je me fais traiter de pervers? Je ne comprends pas. T'es pas Christian Grey en même temps. Ah ben voilà, donc il faut que la personne ait un hélicoptère, une voiture de luxe, une caserne d'Audi, et ben voilà. Ah bah c'est bon l'amour, bravo. Ah voilà, très bien. Ah. Donc en fait, si t'es gilet jaune, tu fais l'amour avec ta main droite. Attendez, vous avez compris. Ah, il faut être Christian Grey pour avoir ça. Non. Allez, je ne suis pas Christian Grey, c'est pas grave, à tout de suite. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Big Flo et Oli. Tu connais, non? Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit, dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Pas grand chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels. Qu'est-ce qui a changé? pas grand chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard, on disait, plus tard. C'est le best-of de Coé sur Énergie. Connexion avec Geneviève de Fontenay, puisqu'on apprend que les poitrines de plusieurs Miss auraient été montrées par erreur. Alors, bande de pervers, n'allez pas regarder les images, c'est pas flagrant, c'est pas un gros. Ouais, c'est pas un film. Non, c'est subliminal, quoi. Pas un film de Russ Meyer, quoi. Vous allez pas voir, c'est ça. Vous allez pas voir des doudounes qui tapent dans la caméra, hein, n'exagérez pas non plus, hein. Tu caches où la jaunie, non, c'est pas ça. Non, non, c'est, on les voit comme ça quand elles se changent, vite fait, de loin, un tout petit peu. Mais Geneviève de Fontenay est choquée. On est en connexion, Geneviève, vous m'entendez? Du porno sur TF1 un samedi soir. Mais c'est pas Jean-Pierre Foucault qui présentait, c'était Jackie et Michel. Ah, oui. Bientôt, ce sera le tour de Bibi Mathieu dans Joséphine fait des gangbangs. Non. Depuis que je suis parti, c'est devenu n'importe quoi. Faut remettre de l'ordre dedans, moi je dis. Geneviève, qu'est-ce que vous proposez, Geneviève? Mais laissez-moi reprendre la main. Et l'année prochaine, je vous organise l'élection en Corée du Nord. Il faut que les Miss elles défilent en treillis et au pas. Et tout avec la coupe de cheveux de Kim Jong-un. Comme ça, pas de ségrégation. J'arrive pas à le dire ce mot. Il paraît, Geneviève, que la Miss qui a gagné Miss Tahiti, on l'a lu dans la presse, c'était une ancienne obèse. Obèse, et voilà, encore du cul. Non. Vous allez arrêter avec votre pornographie, non. C'est dégueulasse. Ah non, non, non, obèse, ça veut dire qu'elle a fait un travail sur elle-même, elle était en surpoids avant. Pardon. Mais je fais la chasse à tous les mots obscènes. Ah oui. J'en vois partout, ça devient maladif. En tout cas, je suis contente pour elle. Elle est très jolie. Voilà, ils doivent être fiers d'elle à Tahiti. D'ailleurs, je crois que c'est là-bas qu'elle habite. Oh, écoutez, courir, moi je sais pas où elle est, l'habite. Hein. C'est pas mon truc. Hein. Vous êtes des peurs tous là. J'ai pas dit ça, j'ai dit le elle habite du verbe habiter. Ouais, c'est ça, ouais. Obsédé. De toute façon, je suis au restaurant italien, je vais devoir accrocher. Ah. Je vais vous prendre une pelle. Une double. Ah, et ça, c'est pas sexuel, ça. Mais c'est des bêtes. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit, to be happier. So I-

Pas du tout, elle répond pas. Ah bon, d'accord. Ah bon, oh, oh, bon, sinon ça va. Ouais. Ouais. T'as la forme, toi? Je suis fatiguée, hein. Ah bon, bon, et pourquoi? Bah, on dort pas beaucoup, hein, avec elle, hein. Pff, elle est chiante, hein. Ouais. Ah ouais, tu dis merde. Exactement. Tu veux me la passer? Tu veux que je lui dise? Non, non, non, non, tu m'as énervé encore. Oh, bah non, oh, c'est pour rigoler. Non, non, non, mais même pour rigoler, non, non, non, non, non. Elle prend pour la mouche. Elle prend la mouche? Ah ouais. Oh, c'est pratique l'été. Bon, bah écoute, en tout cas, je te fais un bisou. Ouais. D'accord? Allez, d'accord, bisous. Bisous à qui? On dit bisous à qui? À un inconnu qui m'a appelé. Eh oui, parce que c'est pas Alain. C'est qui? C'est Coé, on est sur Énergie. Allez. Allez. Bravo! Allez! Petit nom, allez! Allez! Oui, oui, on est. Elle est drôle! Je suis bien une nordiste, ça, je suis désolée! Hein. Mais oui, c'est normal! Allez, dis! Allez, oui, on est sur Énergie, c'est pas du tout Alain, je m'appelle Coé, ça va? Oui, vous! Oui, ça va bien! Ça va, bon, voilà, je suis désolée, mais on voulait se faire un bisou quand même pour la fin, quand même, hein? Ouais, si vous voulez. Bon. Ah, ouais, oh, hey, merde quand même à l'autre. Je t'embrasse oh, fort! Oui. Bisous, Marcel! Oui, t'es, d'accord, t'es où? T'es où dans le Nord? T'es où? Moi, je suis à côté de Berg. À côté de Berg, ah oui, là, tout là-haut, ah ils, ouais. ils ont fait bienvenue chez les ch'tis, là-haut. Voilà, exactement. Mais je te fais un gros bisou, je t'embrasse. Mais merci beaucoup. Est-ce que tu veux, Marcel, que le public t'applaudisse? Oui, s'il vous plaît. Alors, attends, attends. Alors, tu vas aller. Alors, Marcel, c'est toi qui vas dire « Allez, public !» et le public va applaudir. Allez, le public ouais Parfait, parfait, parfait, parfait, parfait. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches.

Je rappelle qu'Ilan a donc dénoncé son copain qui fait du Airbnb. Oui. C'est pas bien. En sous-loc. Donc je répète, il est locataire. Donc s'il est locataire, il n'a pas le droit de louer. Oui, c'est moche. Donc je serai monsieur Margentin du service de copropriété. Français Suissier. Mais non, oui. Francis Suissier. Mais si, c'est pas mal. Mais tu peux pas t'appeler Francis Suissier sans que quelqu'un se doute d'un truc. Bernard NB. Non, Bernard Poucave. Monsieur Poucave, ça passe. Je pense que ça passe, moi. C'est grillé, non, Poucave, monsieur, c'est grillé. Mais Poucave, c'est grillé. Bah. C'est un peu grillé. Poucave. Poucave. C'est Poucave. Poucave. Monsieur Poucave. Très bien, bah, ça passe. On appelle ton copain, il s'appelle Sacha, c'est parti. Je me suis renseigné, les gars. Oui. Il peut être expulsé. Ah, ouais, oh. Je me suis renseigné, oui. Allô. Oui, allô. Oui, allô. Oui, bonsoir, monsieur. Monsieur Poucave, l'appareil du syndic de copropriété, vous m'entendez? Qui est, excusez-moi? C'est le syndic de copropriété, monsieur. Mais, oui. Voilà, vous savez pourquoi je vous appelle? Je vous appelle parce que on a appris que vous soulouez votre appartement sur Airbnb, monsieur. De quoi? De quoi? Que vous soulouez votre appartement sur Airbnb, monsieur. Mais le réseau capte mal, monsieur, je vous entends mal. Je disais, nous avons appris, moi je vous entends très bien, que votre appartement, vous le soulouez sur Airbnb, est-ce que c'est vrai? Non. Non, je pense pas que c'est vrai, mais... Bah, monsieur, quand, monsieur, vous, monsieur... Excusez-moi. Monsieur, c'est pas, est-ce que vous pensez que c'est... Depuis quand le syndic, il m'appelle au téléphone? Alors, monsieur, sachez que, je sais pas si vous êtes au courant, nous, on a reçu une plainte de votre propriétaire, il faut être propriétaire pour louer un appartement, vous le savez ou pas? Mais vous n'êtes que locataire, monsieur. Mais est-ce que le syndic appelle par téléphone? Oui, monsieur. Bah, monsieur, vous voulez que je vous appelle par quoi? Monsieur, soyez pas ridicule. Vous savez très bien que vous le faites. Mais vous soyez pas ridicule. Monsieur, comme l'autorise la loi. Vous vous rendez compte comment vous parlez? Écoutez-moi bien, monsieur. Je suis très poli, je suis très correct jusque-là. Cherchez pas les histoires pour rien, monsieur. Je vous prends pas de haut. Bien sûr que je vous prends de haut. Vous soulouez un appartement, vous n'avez pas le droit. Mais quoi? Alors, je vais vous offrir des mots pour Noël, si vous voulez. Comme l'autorise la loi, monsieur, je peux vous faire parvenir votre avis d'expulsion par lettre commandée. Vous aurez 10 jours ouvrés pour quitter les lieux. Non, faites pas ça, s'il vous plaît, faites pas ça, sérieusement. Voilà, faites monsieur, je vous appelle pour discuter. Je vous appelle pour discuter. Bah, discutons alors. Bon, alors du coup, il y a une amende, vous le savez. Mais non, il n'y aura pas d'amende. Monsieur, Arrêtez, de faire chier de pauvres Français, oh là là, encore. Monsieur, je ne fais chier aucun pauvre Français. Il y en a pour 5000 euros d'amende, vous le savez. 5000 euros? Oui, monsieur. C'est comme ça, c'est une... Mais vous vous rendez compte ou pas? Monsieur, bien sûr, je me rends compte, monsieur. Monsieur, et d'abord, est-ce que vous avouez que vous avez sous-loué sur Airbnb, monsieur? Mais je l'ai sous-loué 2-3 fois, mais ça y est, pas 5000 euros. Plus que ça, monsieur. Monsieur, on est là pour discuter, monsieur. Plus que ça, monsieur. Discutons 5000 euros. Eh bien alors, soyez honnête, monsieur. On discutera argent quand vous me direz la vérité. Plus que 2-3 fois? Non, pas plus. Monsieur, vous savez qu'on n'est pas des monstres non plus. Ça, c'est vous en avez... Donc, il y a l'avis d'expulsion éventuellement, mais moi, je peux vous reloger dans la foulée. C'est-à-dire me reloger le fisc qui reloge aussi maintenant? Non, je ne suis pas le fisc, monsieur. Je suis le syndic de copropriété, je ne suis pas le fisc, monsieur. Il se trouve que moi, monsieur, je vais être honnête avec vous, on va devoir vous expulser, c'est comme ça, c'est la loi. En revanche, et moi. Vous comptez me reloger où? Alors, moi, j'ai un petit studio dans l'immeuble d'à côté. Mais n'importe pourquoi je me ferais expulser déjà? Non. C'est la loi, monsieur, c'est la loi. Mais je l'ai sous le. La main dans le sac, monsieur. J'ai sous le. Mais comment il le sait déjà? Monsieur, vous n'aurez plus d'appartement. J'ai un petit appartement dans le studio d'à côté, je vous le souloue si vous voulez, 600 euros par mois de la main. J'ai pas compris, vous coupez. Attends, vous n'aurez plus d'appartement, vous allez le perdre, mais je vous souloue mon appartement à côté, 600 euros de la main. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Quoi, monsieur? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous comptez m'expulser? Mais ok, très bien, on va faire ça. Non, mais très bien, après j'en parlerai. Non, mais monsieur, moi le principe c'est que je vous retrouve un appartement. Je vous souloue un appartement que j'ai à côté. Alors j'irai dans le vôtre, très bien. Et après on en reparlera à votre propriétaire. Voilà. Très bien. Si vous voulez voir comment il est, j'ai mis des photos sur Airbnb. Vous voulez voir les problèmes que de pauvres Français ont, bah vous l'aurez aussi très bien géré dans votre appartement, si on va dans votre logique. Voilà, monsieur, j'ai pas compris. Donc, allez voir des photos de l'appartement que je vous souloue, il est sur Airbnb. N'importe quoi, oh là là, j'ai pas de ça. Mais non, vous n'allez pas m'expliquer. Voilà. Mais, ok, mais vous ne pouvez pas m'expliquer après ce que vous venez de me dire. Point, il n'y a pas. Il n'y a pas quoi, monsieur? Mais on ne peut pas. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous me dites ou pas? Je me rends compte, monsieur. Est-ce que vous vous rendez compte? Je me rends compte. Fallait pas louer, c'est pas bien. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Mais,

Le Super Boxing Day, c'est en ce moment avec 20 matchs unbelievable en exclusivité sur la chaîne RMC Sport. Abonnez-vous à partir de 9 euros par mois sans engagement sur rmcsport.tv. Offre soumise à condition 9 euros par mois pour les abonnés mobile et box de SFR jusqu'au 7 janvier ou 19 euros par mois en abonnement digital. Unbelievable, incroyable. Sauf de Koé sur Énergie. Là, ça marche, ça y est. Jennifer, c'est demain, il va absolument me mettre. Ouais, ouais. On découvrira, d'ailleurs, je vous le signale un truc, on fera en direct sur Énergie, en direct sur le YouTube d'Énergie, vers 19h, dans allez, 20 minutes, ton oui, nouveau titre en exclu. Mm-hmm. Exactement. C'est ça ? Ouais, exactement. Tu as bu ton Énergie Messo. Hein. Est-ce que tu chanteras ça tout à l'heure ? Ouais, je le chanterai aussi. Moi, j'ai dit hier, on savait pas bien le nombre de chansons que t'allais chanter. J'ai dit entre 5 et 130. Oui. Ouais, c'est une bonne fourchette. C'est large, la fourchette. Bon, on a reçu plein de messages. Hein. Le hashtag, évidemment, est en tendance. On est numéro 2 TT France. C'est ça. Juste après la journée mondiale des animaux. Et normal. On a dit que c'était très bien d'être juste après. Voilà. Ça nous va, ça nous va. Ça se voit que t'es pas sincère. Tu veux être premier, ça se voit. Non, c'est pas vrai. Sincèrement. Il te croit pas. Pour le coup, c'est vrai. Non, je rigole. Pour le coup, c'est vrai. J'aurais été derrière une autre radio ou un autre truc. Oui, j'aurais dit on les bouffe. On les bouffe, on les bouffe. En fait, numéro 1. Mais là, les Journées mondiales des animaux, c'est très bien. On les bouffe pas. Message de Léo. On les bouffe pas. On ne les bouffe pas. On les bouffe pas. Ah, bah non. Déguste. Comment as-tu réagi suite à ta nomination au NMA ? Quoi, c'est celui qui est là ? Ils sont au téléphone en fait. Ah donc tu viens de me donner ceux qui sont en ligne. Voilà, exactement. Donc tu poses la question alors qu'ils sont en attente déjà. Il est où, Léo? Du coup, il a raccroché parce que. Il a raccroché. Il a lu ma question. Thibaut, on y va, Thibaut, à toi. Oui, bonjour, Cody. Bon, attends, il a pas répondu. Comment t'as réagi quand t'as vu que t'étais nommé aux Energy Music Awards? Bah, j'étais super content et super fier parce que ça fait. Bah, moi, on regarde les Energy Music Awards depuis qu'on est petit, hein, qu'on fasse de la musique ou non. Donc, on a vu plein d'artistes français et internationaux passer. Non, me reprends pas quand je fais une photo. Non, non, c'est pour les trucs des non, animaux. Non, moi-même, je sais. On reprend pas les invités, c'est pas poli. Et j'aurais pas fait chier avec les animaux, j'aurais pas fait chier avec ah, je vais me casser, je vais me casser. Non, mais j'étais super content et super fier en tout cas. C'est et c'est avec fierté que j'espère aller là-bas et gagner quelque chose. Mais moi je le sens, je te l'ai dit. Ouais, vas-y. Ouais, je le sens, vrai, je te portais bonheur. Non, ouais, tu m'as fait kiffer avec je t'ai refait la bise tout à l'heure, ça te reportera bonheur. Y'a aucun problème. Thibaut, je boufferai pas ta question, je te promets. Vas-y, pose-la, mon Thibaut, ça va? Bonjour Koé, bonjour Dadjou, ça va? Ça va et toi? Ça va toute l'équipe? Tout le monde va bien, on t'écoute. Dadjou, j'aimerais savoir, est-ce qu'on t'a déjà mis des bâtons dans les roues parce que ton frère c'est Maître Gibbs? Ah oui, c'est pas idiot ça. Tiens, est-ce que ça aide ou ça aide pas? Ou des fois, ça peut, les gens peuvent dire, oh, il y en a assez de la famille. Est-ce qu'on m'a déjà mis des bâtons dans les roues ou est-ce que ça m'a mis des bâtons dans les roues d'être. Bah, est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont dit, enfin, qui t'ont mis des bâtons dans les roues parce que ton frère c'est Maître Gibbs? Ouais. Très souvent, on m'a mis des bâtons dans les roues. Dans le milieu de la musique, on veut pas toujours que ça se passe super bien pour toi, tu vois. Et vu que Gims c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place, beaucoup d'espace, vu que c'est une superstar, c'est très difficile de se dissocier de ce gros personnage, tu vois. Donc, mais ça pousse à travailler deux fois plus et au final. Pas si gros que ça. Ouais, c'est pas sympa. Non, mais gros personnage. Ouais, personnage, bah oui, mais c'est au moment où tu dis ça de moi aussi. On dit de Jeff que c'est un gros personnage. Ouais, mais c'est vrai que c'est un métier qui est pas forcément évident. Ils ont peut-être dû se dire, oh, ça va, il y a déjà le frangin. Voilà, exactement. C'est facile de se dire, il y a déjà le frère, donc c'est bon, on va pas se taper la mif. Bisous, mon Thibaut. Ben, au revoir, bonne soirée à tous. Je t'embrasse fort. Cathy de Vendôme, vas-y, ma Cathy, j'ai ton message Twitter aussi, mais je le lirai pas, je te promets. Ok, salut Koé, salut l'équipe, salut Dadjou. Salut. Je voulais te demander, quel est le truc le plus fou que j'ai reçu d'un fan ou d'une fan? Le truc le plus fou que j'ai reçu? Oui. C'est peut-être pas le plus fou, mais en tout cas, c'était un des plus drôles. Une belle idée. Une fois, en séance dédicace, il y a un petit qui voulait passer devant tout le monde et qui voulait absolument une vidéo dédicace. Et il m'a ramené les sous-vêtements de sa grande sœur. Mais non. Ouais. En troc, en fait. Ouais. Il m'a dit, je te les donne. Il a dit, en vrai, tu vois. Discrète, c'est dans la poche. Ouais, dis rien, tu vois. Pour moi. T'inquiète. Ils sont là et tout. Et en plus, je crois qu'ils n'étaient pas. Non. Ils n'étaient pas lavés. Ouais, ils n'étaient pas. Il les a piqués dans le bac à linge sale, ouais, quoi, tu veux dire. Ah, non. Oui, mais enfin, il a voulu faire un cadeau comme ça. Il a pris. La précipitation, il a. Tiens, il vient d'écrire. Il dit, veut savoir si tu les as gardés. Voilà, il a envoyé un message. Le cadeau, tu lui as fait sa vidéo quand même? Ouais, je lui ai fait sa vidéo. Mais je lui ai laissé les sous-vêtements. C'est gentil. Ah, tu les avais pris? C'est important de préciser. Enfin, tu le vois en train de les prendre. Ouais, bah merci, c'est un cadeau quoi. Attends, je t'embrasse, Cathy, à bientôt. Bisous, ma belle. Gros bisous, tout le monde. Bisous. Moi aussi, j'ai des questions. Ok, vas-y. J'ai besoin de toi. Dis-moi. J'ai besoin de connaître la vérité sur le gimmick OOA. Écoutez, oui, il y a ça dans toutes les chansons. Ouais. Écoutez. Attention. Alors, je veux comprendre l'origine du OOA. Ça peut pas être un toc, les mecs enlèveraient. L'écouter d'affilée comme ça rend le truc super stupide, tu sais. Non, en fait, franchement, il a une histoire vraiment bête, cette gimmick. C'est un jour, j'étais en studio toute la nuit et j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enregistrements de sons à ce moment-là. Et j'avais pas de paroles, donc je faisais que des yaourts. Tu sais ce que c'est? Ouais, c'est le bordel. Ouais. Voilà, quand je dis, tu dis un peu tout, du tout et n'importe quoi. Et à chaque fois que je commençais un son ou que je le finissais, je faisais oh, oh, ah. Juste pour garder la vibe, tu vois. Et en réécoutant les sons pour les écrire, bah le OOA, il est resté dans ma tête, en fait. Donc j'ai commencé à le faire à chaque fois, à chaque Mais maintenant tu le fais exprès, je veux dire, à chaque fois qu'on entend Oura, c'est pas que t'avais pas les mots. Je n'ai rien, je vais pas. Merde. Oh, allez, ça marche toujours. Ça passe. Maintenant je le fais exprès. Ouais. Alors merci pour cette réponse. J'ai une autre question. Ah, ah oui. Dans d'autres chansons, oui. je veux savoir pourquoi il y a systématiquement le Attention. Eh oui, parce que il y a pas que Oura comme toi, il y a Zay Zay. C'est méga mix. Je veux plus jamais l'écouter d'affilée. La compile. C'est trop stupide. Je le ferai plus. C'est vrai, si. Je suis d'accord que. Gagné, je le ferai plus. Écouter comme ça, ça fait genre bon. Ah non, mais tu dis, je suis sûr qu'il y en a plein qui se disent, mais pourquoi en fait? Alors pourquoi? Déjà, il y en a plein qui pensent que je dis zizi. On pense tous. Alors, pour être honnête, je vais être honnête, je la fais et après on n'en parlera plus. C'est vrai que. Tout, vous saurez tout sur le zizi. Ça passe, ça passe, on l'a refait. Tout, vous saurez tout sur le zizi. Ça passe, ça passe. On l'a même essayé sur Francky Vincent. Je me casse. Donc il dit pas zizi. Alors déjà les chansons, non, je dis pas ça. Franchement, je dis pas ça. En fait, j'ai travaillé avec un beatmaker et le nom de ce beatmaker c'est Say Say. Tu vois. D'accord. Et moi, quand je chante, j'ai l'habitude de pas articuler forcément tout ce que je fais. Et à chaque fois que j'ai fait un son avec lui, j'ai voulu le dédicacer à chaque fois que je faisais un son. Donc au lieu de dire Say Say, à chaque fois je dis Zay Zay. T'as capté? T'achètes pas toi, tu préfères zizi en vrai. Oui, voilà. Ça va quand tu me regardes que ça te fait chier mon explication. En vrai, bizarre, tu aurais voulu que je dise zizi en vrai. Ah ouais. T'aurais voulu que je dise ça. Et je te jure que non. Je savais bien que tu disais pas zizi. Ça aurait fait bizarre. Donc voilà l'explication, la vraie explication, c'est ça. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne, si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan s'en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de gnoll, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre. Un testament au-delà d'une confidence. On est les petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, maillonnez s'il le faut. Mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Acceptez ma rengaine. Juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi sert-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Bye.

Il a un truc non, à retenir. Il m'est revenu. Alors, c'est un petit garçon qui dit à son père, papa, c'est quoi la beauté? La quoi? Il lui répond, c'est quoi la beauté? C'est quoi? Attends, c'est quoi la quoi? C'est quoi l'élégance, la beauté. L'élégance. L'élégance. Oui, la beauté. L'élégance. Le père, il dit, tu vois ta mère? Eh ben, c'est pas ça. Attends, c'est pas la chute. C'est la chute, ça? Ah bah oui, c'est la chute. C'est même le parachute. Ah ouais. Une autre. Tu peux pas rester là-dessus. J'en ai une autre, mais je me permets, je suis musulman. Donc, quel est le mot qu'utilisent le plus les musulmans? Attends, oui. Avant que tu donnes la réponse, me mets pas dans la merde. C'est tout ce que je. Non, hein? T'inquiète pas, il n'y a rien de méchant. On sait pas. C'est pas. Vous voulez la réponse? Bah oui. Ça dépend. Ah bah si. Il est pas trop tard encore. On est où là? On peut faire demi-tour. On a pas franchi le ligne encore. C'est Louis parce que c'est pas moi. C'est Louis, le prénom. Louis. Comme Louis Vuitton. Merde, c'est pourri. J'ai pas compris. Tu peux, Fad, est-ce que tu peux la répéter s'il te plaît à Bordas? Alors, quel est le nom préféré des musulmans? Le nom préféré. Le nom. Je sais pas. Bah, c'est Louis, parce que c'est pas moi, c'est Louis. Ah oui, j'ai compris, c'est bon. Voilà, le public aussi avait pas bien compris. Hein. J'ai mal formulé. En fait, la vraie formule, c'est quel est le mot qu'utilisent le plus les musulmans? Enfin, les musulmans, les arabes. Oui, parce que c'est ce que. En fait, je voulais pas te faire chier dans ta vanne, mais c'était la deuxième remarque que je voulais te faire. C'est pas les musulmans, c'est les arabes. Ils ont mêlé les pinceaux. Mais ça arrive. Voilà. Une troisième peut-être? Est-ce que tu veux. Une troisième, mais elle est un peu longue. Oh bah vas-y. Ouais. Au point où on y va. Foutu pour foutu. On s'arrête là. Non, tu sais, des fois un peu d'autocensure, c'est pas plus mal. Oui, voilà, c'est un peu. Tu sais, il faut partir sur un succès. Sur un succès. Ouais. Quel est mon prénom? Fad. J'ai pas de go. Fad. J'ai pas de goût, Fad. Fad. A bientôt, merci, Fad. Gros bisous, je t'embrasse. Bisous. A bientôt. Je suis pas de goût, je suis Fad. C'est marrant. Très drôle. Jeff, habite Boulogne-sur-Mer. Ça va, oui. Jeff? Ouais, salut, toute l'équipe. Salut, Jeff. Salut. Attention, voici le balance ton pote. Le principe du balance ton pote, vous savez qu'un de vos camarades fait quelque chose, c'est le moment de nous le dire à nous. Quelque chose d'interdit. Bien sûr, ou de limite. Ou d'illégal. Voilà, je rappelle que nous excluons meurtre. Oui. Voilà. Séquestration. Séquestration, tout ça, et enterrage de mamie dans le jardin. Voilà. Tout ça, kidnapping non plus. Tout ça, c'est pas pour nous, on envoie directement chez Morandini qui fait crime. Nous, on fait que la version rigolote qui peut passer. Comment s'appelle ton pote? Alors, mon pote s'appelle Jérôme. Jérôme, que fait Jérôme d'illégal? Alors, Jérôme, en fin de compte, il va régulièrement, et quand je dis régulièrement, ça peut être plusieurs fois par semaine en Belgique. Très régulièrement, donc. Voilà, très régulièrement, et en fin de compte, il achète des seaux de tabac, voire également des paquets de cigarettes, et il les ramène, et en fin de compte, il les revend plus cher qu'il les a achetés. Mais alors, je ne savais pas, je suis passé pour un idiot il n'y a pas longtemps auprès de potes à moi, ce que c'était qu'un seau de tabac. Oui. Je ne savais pas que ça existait. Et je savais pas qu'on achetait le seau et qu'il y avait des petites machines avec des clopes vides et que clac clac, fais clac clac et que le truc. J'ai vu des tutos sur YouTube parce que je ne savais pas que ça existait. Des tubeuses. Ouais. Des clac clac. Ouais. Ça fait, et voilà, je savais pas. C'est beaucoup ça, moins cher. Oui. Si alors, t'as 5 litres de tabac ou t'as 10 litres de tabac? Ah, ton petit cancer en peau. Oui, c'est ça. C'est mignon, ça change. Pour l'avoir toujours à côté de toi. Non, mais c'est incroyable. Et donc, c'est beaucoup moins cher en peau. Oui. D'accord. Et c'est moins cher en Belgique qu'en France? Ah oui, c'est moins cher. Oui, c'est moins cher. Comment s'appelle ton pote? Jérôme. Il habite où, Jérôme? Il habite sur Boulogne. Sur mer. D'accord. Ce qui n'est pas interdit, c'est de l'acheter, mais ce qui est interdit, c'est de le revendre, par contre. Mais ce qui est peut-être interdit, c'est d'en ramener beaucoup. Oui, c'est limité. C'est limité, on est d'accord. À combien? Je sais plus, c'était. Pour l'Espagne, c'était deux cartouches et demie. Ouais. Donc, après, je sais pas, pour la Belgique, c'est pareil. Vous savez quoi? On donnera ça à W9 quand ils font un truc de reportage. C'est pour toi, pour le personnage? Oui, voilà. J'en ai aucune idée. Donc, c'est pour avoir des renseignements. Je crois que c'est deux cartouches par personne. Bon, vous savez quoi? On appelle. Christophe Nicotine? Non. T'es monsieur Rousseau? Pourquoi? Parce que t'es douanier. Oh là là!